Os funcionários judiciais anunciam a nova vaga de greves em setembro e lamentam o silêncio ensurdecedor do governo. Transportes públicos reforçados, passes especiais para peregrinos. Il possède l'intelligence humaine, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. The music. We're online. Arc-en-ciel en FM et en stéréo 96.2 MHz. Arc-en-ciel en FM et en stéréo 96.2 MHz. Thank you. soir, peinard, je rentre chez moi. Ma femme est devenue brune comme une geisha. Elle s'est mise à me parler le pékinois. Et là sur sa nuque, tatoué Medina. Ta guitare, ton patron, made in China. que la bête dispose. Sur fond de la recherche d'un prétexte idéal, je suis le prochain de la paix. Il s'agit là pour moi de servir, de ma serre, l'amour de tes en devenir. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, I'm okay. We are old. We are young. We are America. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.

salut à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Je vois que vous êtes toujours à l'écoute, hein, toujours fidèles au poste le vendredi soir. En tout cas, moi, je suis là pendant tout l'été, donc vous allez pouvoir continuer à écouter les artistes de la région, des artistes qui sont venus pour la plupart dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour des émissions spéciales. À ce propos, pour l'instant, on fait des émissions où je diffuse beaucoup d'enregistrements, puisque tous les groupes qui sont venus dans l'émission nous ont laissé un paquet d'enregistrements. Mais à la limite, si vous voulez venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il est possible de le faire aussi, sachant que je serai en vacances à partir du mois de septembre, donc ça sera un petit peu compliqué pour la rentrée. Mais on va se débrouiller, vous inquiétez pas, il suffit d'avoir un petit peu de patience, et les meilleurs artistes de la région orléanaise, et d'ailleurs, hein, viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, cette année, on avait reçu un groupe qui s'appelle Narcose. C'est avec eux qu'on a commencé cette émission. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Made in China. Juste après, c'était une personne qui est déjà venue à plusieurs reprises, mais ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. J'aimerais bien le retrouver d'ailleurs, puisque je sais qu'il a de l'actualité. Il s'agit de monsieur Arnaud Walden, et le titre qu'on a écouté, c'est pas un titre récent, mais c'est un titre que j'aime beaucoup en tout cas, qui s'appelle Tell Me. Juste après, c'était le groupe Bagadon. Alors ça, c'est un groupe qui est venu dans l'émission Marika, mais justement un jour où j'étais pas là, donc j'avais été remplacé à cette occasion. Et Bagadon, on a écouté un morceau qui s'appelle Le Corbeau Blanc. On a continué aussi avec un groupe que j'ai jamais reçu, mais j'ai reçu quand même un membre de ce groupe là, il se reconnaîtra sûrement s'il écoute. Il s'agit du groupe Hammerfest, et le titre que nous avons écouté, c'est La Bête. On a continué avec Ice Cream, un groupe qui est venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était très rock en début d'émission, hein, comme vous avez pu le voir quand même. Le titre qu'on a écouté s'appelle Ballerina's My Love. On a aussi écouté à l'instant le morceau qui déchire. C'était Last Reader as Long as It Pays. Voilà, j'aurais dû le dire. Et juste avant, c'était Last Avenue avec Always So Bad. On est ensemble jusqu'à 22h. On va écouter plein de morceaux. Et comme vous avez pu voir, je vais vous chercher des morceaux un peu plus anciens, des morceaux qu'on avait un petit peu arrêté de diffuser dans l'émission Mavrika, mais bon, ça fait toujours plaisir. Justement, les meilleurs artistes viendront dans les studios Radio Arc-en-Ciel, les meilleurs sont déjà venus aussi, hein, donc bon, on va continuer, hein, parce qu'il y a des groupes qui se sont formés, d'autres groupes qui malheureusement se sont séparés, mais en tout cas, on a des bons enregistrements, et c'est pour ça qu'on est là ensemble jusqu'à 22h pour écouter de la bonne musique. Vous pouvez nous écouter sur radioarc-en-ciel.fr, sur internet, hein, tout simplement, et vous pouvez aussi nous écouter dans la région orléanaise sur le 96.2 MHz. Bon, on est ensemble sur Radio Arc-en-Ciel et on va passer une bonne soirée. Que je présente peut-être pas assez souvent, pourtant on le diffuse à chaque émission, c'est un peu le générique de cette émission, c'est le titre qu'on écoute actuellement. Il s'agit d'un morceau des Burning Head qui s'appelle Midnight Dub, et juste après on va écouter un morceau d'un groupe que j'aime beaucoup, hein, que j'ai vu en concert il n'y a pas très longtemps, et dès que j'aurai l'occasion je retourne les voir avec beaucoup de plaisir. En tout cas, il s'agit du groupe Prisma, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Tell Me Why. I'd like to know why the children's cry. I'd like to know who can know they will arrive in a big mistake. I'd like to know that the day will come, all they will have to choose. I'd like to know if the feel of the harvest way is coming up. And I say, I'd like to know if they know they will arrive in a big mistake. I'd like to know. Le jour de la sortie de l'intégrale de Nolwenn, eh ben il a racheté l'intégrale de Drian. Il jactait toujours breton après 3-4 verres d'alcool. Mais il parlait breton comme une vache espagnole. Enfin plutôt comme un espagnol breton, en casant 12 fois Bretagne dans chaque conversation. Il versait une petite larme devant sa télévision à chaque fois qu'il y a un match, genre l'enverne au couvron. À chaque petit meurtri, il sort son pognon. Un tout petit drapeau, un petit drapeau breton. Et comme Rammstein, la Céline Dion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. À force de se faire chambrer, son amour de la Bretagne, il a voulu nous le prouver. Parti au vieux charru, fier et décidé, avec un drapeau breton d'au moins 25 mètres carrés. Quand le groupe est monté, il l'a sorti fier de lui. Mais c'était ni Matmata, et encore moins Soldat Louis. Car là, c'est le drame, c'était inouï. Mais nous, on va s'arrêter là, car on veut pas d'ennui. Et on pourrait dire, pour terminer cette chanson, dans les services d'urgence ou de réanimation, quelquefois y'a un con avec un drapeau breton. petit, il s'est retrouvé sur cette île abandonnée, garantie à voir crever ou survivre toutes ces années. Ressenti était bien plus banal. Oh. J'espère que vous passez un bon moment avec Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Maurica que tous les vendredis à partir de 19h jusqu'à 22h. On est 3h ensemble, voilà, pour partager des bons moments. Hein. J'espère que vous êtes relax, tranquille. Vous pouvez déguster tranquillement une bonne poisson en écoutant de la bonne musique. On écoute le groupe Éphémère, voilà, le groupe Éphémère qui était venu il y a longtemps déjà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le titre qu'on entend, c'est Alistair. Juste avant, un autre groupe qui est venu il y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui reviendra quand il voudra, il n'y a aucun souci. Il s'agit du groupe Anaïs from Paris avec Tombola. Encore avant, c'était Marie-Jeanne, voilà, c'est un titre assez ancien du groupe La Jarry. Mais bon, comme on aime bien La Jarry, on aime bien toutes les époques, donc ça s'appelle Marie-Jeanne, c'était le groupe La Jarry. Encore avant, c'était un groupe qui était venu il y a un an ou peu, ouais, à peu près un an ou deux peut-être, ça, le temps passe très vite, hein. C'était le groupe Turn Off avec James Carter. Encore avant, c'était les Brigitte Bop avec Toujours Plus Fort. Encore avant, c'était un groupe que j'ai eu la chance d'interviewer à plusieurs reprises, dont une fois ici dans les studios par téléphone. C'est le groupe des Fatal Picard. On a écouté d'abord un morceau d'actualité qui s'appelle Poutinka, et juste après c'était les Fatal Picard, toujours avec À la vie, à la mort, à l'art mort, voilà, c'est le fameux titre que tout le monde reprend lors de leur concert, voilà, il y a toujours un con avec un drapeau breton, voilà, pour vous rappeler un petit peu. On va continuer avec de la musique en français cette fois-ci. Il s'agit de Chris avec C'est pas ma faute, et juste après ça sera Alex Lebaille avec le titre Je te dois. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. je te le dois. Je te le dois. Pas de faute, pas de cause. Ce qui m'attire est pire. Pas de texte, pas de reste. Amour inceste, amour déteste. Toi, je te le dis. Pas de vrai, pas de créer. Ce qui était ne peut s'effacer. Pas de mépris, pas de déni. Puis accompli, journée sans. Je te le dois, je te le dois. Toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire de nous un nous et ce. Je te le dois. Je te le dois. Je cours.

drown. Keep it around when all that down. Bad I'm cool in this place. I just wait every day. Jam knows his song. Cool now lives growing out. Instead of being alone and being loved one day. Despite every day, Jerry knows he's old. Never share your dreams. It's better being alone. Being nice one day. Avec le groupe Chaos qui est venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui avait participé aussi à un Maverick Alive. Le titre que nous venons d'écouter s'appelle Jerry. Juste avant, c'était les Devon Miles qui sont venus aussi il y a très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Golden Cage. Vous pouvez chercher, hein, chercher sur la vidéo, vous verrez, c'est une vidéo qui est faite avec les rues d'Orléans et c'est très très très bien fait avec des montages des... Bon, je sais pas comment ils ont fait ça, hein. C'est des montages numériques où on voit les rues d'Orléans qui se transforment. Donc vous cherchez simplement Devon Miles Golden Cage et vous trouverez forcément la vidéo sur internet. Encore avant, c'était un groupe d'Orléans, comme son nom l'indique, hein, puisqu'il s'agit des chiens, des chili dogs, voilà, avec Piece of Plastic. Encore avant, c'était un terrien, Doreen Lowe, avec son groupe, hein, Doreen Lowe, en deux parties, avec un titre qui s'appelle Terrien. Encore avant, c'était un titre en français du groupe Waterfall qui s'appelle J'ai un commémoration de Tchernobyl. Et on avait commencé cette série avec le groupe Lunatics. Vous connaissez les Lunatics, ils sont venus plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils ont participé à Maverick Alive. Et en plus, le chanteur, c'est Clem Chouteau, que vous avez pu voir il y a quelques temps dans The Voice et qui continue de chanter. Je crois qu'il y a des événements au mois d'août avec lui. Bon, il viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec plaisir. En tout cas, on l'invite. S'il a envie de revenir ici dans nos studios, bah, il est toujours le bienvenu. On est ensemble jusqu'à 22h. On va continuer avec encore un autre groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui nous a laissé des enregistrements. Un groupe qui devait venir dans l'émission Maverica, qui n'est jamais venu, s'est séparé juste avant leur venue. Il s'agit du groupe Eye of Silence. Le titre que nous allons écouter s'appelle Narrow-Minded. Et on va écouter aussi Buried Option avec To Oscar. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica. Look at yourself, at your take a look from the bottle. Shadows move all around. The wind blows hardly from its high top. The big fear dream is no one's me. Do not feel safe in my room. Let our bones, let us steal. c'est l'entreprise de Where Is My Mind des Pixies par Planet of Pixies. Et la voix, je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est un artiste que nous avons reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il fait de là aussi un projet solo qui s'appelle Bruno Bauer. Voilà. Juste avant, c'était les Uncle Biker avec She Never Stop. Encore avant, c'était Twister Cover avec BF. Bon, je vais le dire en français. Encore avant, c'était les Sukhoi Fever avec Amen. Encore avant, c'était les Buried Option avec Two Oscar. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Alors, place à la musique, hein. On a encore une heure ensemble. On a encore plein de bonnes choses à écouter. Alors, juste derrière, je vous ai calé, par exemple, Vlad Pitton Group avec I Want You Bad. The Satisguy avec Joe, une interprétation faite ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage cette année. Et Yeti avec Life is Trust. Donc, le groupe Yeti qui a participé au Mavrika Live numéro 12, un groupe que nous apprécions énormément. Voilà, on continue donc avec de la très bonne musique sur Radio Arc-en-Ciel. Oh baby, you on fire. Oh baby, you're so hot. Oh baby, you're so excited. Oh baby, I want you this night. Oh baby, for this first night, you want to give me satisfaction. Don't be afraid. You're looking for a thrill. Oh baby, tease me and please me. Tonight you love me just a dream. Oh baby, you're so fantastic. Oh, I know that I love your body. Tomorrow we'll be dead. We'll be happy tonight. I've been thinking of calling. Super morceau, le groupe Yeti avec c'est un trio, hein, ils envoient bien comme il faut. Il y a Hervé, Lolo et Sébastien, ils embrassent très fort en tout cas, et puis au plaisir de les retrouver sur scène. C'est un groupe à voir vraiment sur la région orléanaise. On continue avec un autre groupe qui devrait pas tarder à venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'appelle ah bah j'ai pas marqué bien sur le truc, mais je vais le mettre à jour, il y a pas de souci. Il s'agit de Bad Chip avec le titre She, il faut que je m'en souvienne parce que je l'ai pas marqué, donc voilà, ça va être très simple. Never look back. Voilà, j'ai réussi à le dire. Il faut jamais regarder derrière, bah il faut regarder en avant. On écoute tout de suite les Bad Chip. Gun in your hand. Hey Joe, I say, where you go with that gun in your hand? I'm going downtown to shoot my old lady. You know I heard she said someone with some other man. I'm going down to shoot my old lady. You know I cut her feet around with some other man. Oh, I didn't hold me. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Yeah, shut her down now. Said hey Joe, I heard you shot your lady down. I fell out on the ground, yeah, yeah. Yes, I did a shell up. You know, I caught her missing round the top of the mountain. Running down, running down. Yes, Yes, I did. I shot her. You know, I closed my hole as you get some round down. And I give it again. Oh, yeah, I give it. Ah! And I hands on by me, and no one's gonna follow me. Yeah. Le groupe Sharper, un groupe qu'il faut absolument inviter dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, moi j'ai eu de la chance de les voir déjà plusieurs fois sur scène. Un groupe qui on voit bien. En tout cas, le groupe qu'on vient d'écouter, le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Doctor Doctor. Juste avant, c'était Neutral avec Give Me a Reason. Encore avant, c'était une version enregistrée ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage. Voilà, c'était les Satis Guys avec une reprise de Jimi Hendrix, comme vous l'avez bien reconnu. Johnny Hallyday aussi l'avait pris, hein, l'avait repris, il me semble bien. Et on avait commencé cette série avec les Bad Sheep Never Look Back. On continue avec de la bonne musique. Un groupe qui est venu il y a très longtemps dans les studios Radio Arc-en-Ciel, il est revenu cette année. Voilà, donc le groupe s'appelle Full System. Il interprète un morceau qui s'appelle Oasis. Et juste après, ça sera les Small Town Boy. Donc Small Town Boy, c'est une reprise du groupe Bronski Beat, comme vous l'avez bien reconnu. Mais il s'agit du groupe Glass Zone. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maurica. Si ta foi bloque ton intelligence, en crédit dans ta religion, conditions. Tous les artistes disent merci Tonton Marika. Les couleurs de l'arc-en-ciel Marika sur les ondes éternelles. Marika, mon Marika, l'émission du soir le vendredi. Marika, merci. Tu fédères une belle équipe Albino. Le collectif Mavrika avec Mavrika. Juste avant, c'était justement ceux qui ont composé ce morceau. Hein. Il s'agit des Garens. Les Garens qu'on a écouté avec un morceau qui s'appelle Tolérance Zéro. Juste avant, c'était Glass Zone avec la reprise de Bronski Beat qui s'appelle Small Town Boy. On va continuer encore quelques instants. On a encore quelques chansons à écouter avant les 22h ou l'heure laquelle on va se quitter très bientôt. J'espère qu'on aura le temps d'écouter tous les groupes que j'ai prévus. Hein. Sinon, eh ben, ça tombe bien puisque la semaine prochaine je suis là et puis on pourra continuer à écouter de la très bonne musique. En tout cas, on écoutera Manu Lorca avec Faute de Mieux, Melody Road avec Mercy et Sika avec Enjoy. couvre-feu. J'ai de l'argent, faute de mieux. Comme un bravo, du bout de tes yeux. J'ai eu la gloire, faute de mieux. Comme des îlots, parfois douteux. Je compte mes amis, faute de mieux. Quand vient la rage sur fond brumeux, je vis mes nuits, faute de mieux. T'as des corps, manque à mes yeux. Je braque une moto, faute de mieux. Quand mon orgueil se plie en deux, j'ai le respect, faute de mieux. Qui je cours, un mot d'amour issu de secours. Verra toujours, c'est après qui je cours. De ciné à Cherbourg, au jour le jour, faute de mieux. À monsieur, j'ai mes folies, faute de mieux. Pour me punir, de me faire vieux, je trinque au Bourbon, faute de mieux. Pour espérer plus que j'en veux, je vis ma vie, faute de mieux. Qui je cours, quitte à faire demi-tour à mi-parcours. Mais on a toujours, c'est après qui je cours. Pour un bonjour, même à l'amour, faute de mieux. Toujours, celle après qui je cours, que je savoure dans sa bravoure. Mais il y aura toujours, celle après qui je cours, péché d'amour me hantera toujours, faute de mieux. toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive à la fin de cette émission. C'était l'émission numéro 559. Et on écoutait plein de bonne musique pendant 3 heures. On est en train d'écouter encore Sika avec le morceau qui s'appelle Enjoy. Juste avant, c'était Melody Road avec Mercy. Et on avait écouté aussi Manu Lorca avec Faute de mieux. Voilà, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Il y a encore un morceau à écouter juste après. Je vais vous présenter tout de suite. D'ailleurs, il s'agit du groupe Red Daff, un groupe qu'on apprécie énormément et ils le savent. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Jet Set Boogie. Voilà, on va dire les phrases magiques puisqu'on est à la fin de cette émission. Les phrases magiques, c'est que le rock and roll saute avec vous. Everything is gonna be alright et une vie sans musique serait une erreur. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, à même endroit, même heure, à partir de 19h jusqu'à 22h. C'est l'émission Mavrika, ça sera la 560e. Voilà, en attendant, je vous souhaite donc une bonne soirée. En plus, c'est une soirée de jour férié, donc j'espère que vous allez sortir un petit peu. En tout cas, il fait beau, il faut en profiter. Donc, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour écouter encore de la très bonne musique d'artistes que nous avons reçus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel ou que nous allons recevoir. En tout cas, des artistes qu'on apprécie et que vous pouvez voir assez facilement dans la région de Orléans en concert. Voilà, cette émission est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada. vie est belle sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. 21 horas, 20 nos Açores. Rui Rio acusa o Ministério Público de atacar